بسم الله الرحمن الرحيم. طيب اختصارا، ما هي التتمة التي أخذنا في الدرس الماضي عن التشابه؟ نوعين، نوعان يسمون نوعان، الحقيقي والنسبي. نعم، سيكو الحقيقي؟ الله عز وجل يكون لها حقيقة صفات. والنسبي certaines personnes connaissent, certaines personnes en fonction du manque de rien ou de mauvaise nia ou de cette. أحسنت. اليوم بقون لا قاعدة السادسة، لا سيزيام، لا dernière. En résumé, avec les deux forces qui vont avec, on va tout réunir. Plutôt un seul force, qu'il y en a un, je ne serai pas apte à te le... ni à le retransmettre en français, et ni à te l'éclaircir. Comme il se doit. Donc on va, de toute façon, ce n'est pas un truc qui est primordial, c'est juste un surplus. Moufid. Mais il n'est pas l'azim. Je ne me sens pas la coudra de pouvoir le retransmettre. Il est un peu... Je n'aurai pas le tarbir pour te le faire comprendre comme il se doit. Et là, le tout, on va prendre en résumé, parce que c'est un peu long, donc on va résumer le tout en somme, Inch'Allah. Faqa alef il qaidati s-sadisa. Fi dhabit ma yajouzu wa yumtana anhu nafiyen wa izbata. Donc c'est quoi la sixième règle? Qui sont la norme permettant qui nous permet de savoir qu'est-ce qui est possible ou pas possible d'affirmer ou de renier Allah. Akada. قال صفات الله تعالى دائرة بين النفي والإثبات كما سبق فلا بد من ضابط لذلك أو لهذا وذاك. Que les صفات d'Allah tournent entre le nafi et l'ithbat, comme on l'a déjà dit. Donc il faut comprendre les normes de cela. فالضابط في النفي أن ينفى عن الله تعالى. Donc qu'est-ce qu'on doit renier d'Allah subhanahu wa ta'ala comme sifat? Quels sont les sifat qu'on ne peut lui attribuer? Toutes sifat qui comprendraient un défaut, comme le fait d'être aveugle, d'être sourd, d'être muet, de dormir, de mourir. Deuxièmement, kullu naqsin fi kamalihi ka naqs hayatihi. Tout manque dans sa perfection. Tout manque, toute réduction dans sa perfection. Comme par exemple un naqs dans sa vie, dans sa science, dans sa kudra, dans sa izza, sa puissance, dans sa hikmah, et les alika. Troisième chose, faire une similitude, mumasilatuhu lil makhlouqin, avec les makhlouqin. Yani, de mettre sa science comme celle des makhlouq, de son visage comme celui des makhlouq, son istiwa comme celui des makhlouq, et autres. D'accord? Ça, c'est mafhoum. Une chose qu'on précise, pour ne pas qu'on tombe dans la confusion, par rapport à mes paroles, quand on dit sifat nafi, en fait, c'est, on précise bien là, c'est que Allah s'est attribué le fait qu'il n'a pas cette sifat-là. Donc ce nafi en lui-même est une sifat. Par exemple, quand on dit, on va parler d'un homme, on dit un tel, un herbivore, ne mange pas de viande. D'accord? Un herbivore ne mange pas de viande. Lui, il s'est renié le fait de manger de la viande. D'accord? Et son attribut à lui, c'est qu'il n'en mange pas. Tu comprends? C'est-à-dire qu'en fait, le fait de ne pas manger de la viande, c'est un attribut. Même ta'ada? C'est pas le simple fait de dire il mange pas de viande. Non, on va dire, il s'est attribué le fait de ne pas manger de viande. C'est une sifat. Mais de nefi, c'est-à-dire, cette chose-là qu'il a en lui, cet attribut, c'est de ne pas faire telle chose. Et le axe, parmi ses attributs, qui fait telle chose. Parce que des fois, il y en a, ils comprennent mal quand ils disent sifat nafi, ils acceptent, ils comprennent que Allah ne fait pas telle chose, mais n'ont pas compris que le fait de ne pas faire telle chose, c'est un attribut en soi, en fait. C'est un attribut en soi. Parmi ses attributs, naam, qu'il ne fait pas telle chose. Juste, ne pas simplement dire Allah ne fait pas telle chose. Comprends que le fait de ne pas faire telle chose, c'est un attribut. Tu fais même ta hada? Comme le fait que je vais t'expliquer, un herbivore, c'est quoi son attribut? Qu'il ne mange pas de viande. Pour lui manger de la viande, c'est une chose qui lui est refusée, qui le renie. Donc son attribut, c'est quoi? D'être herbivore. C'est-à-dire, attribut, c'est pas forcément une chose bonne ou mauvaise. C'est une chose qui est en toi, qui te permet de faire telle chose ou de pas la faire. Ou alors qu'on te l'attribue ou qu'on te l'attribue pas. C'est un attribut en soi. C'est une sifat. Par exemple, toi, t'as la peau claire. Parmi tes attributs, que tu n'as pas une peau noire. C'est un attribut que t'as. On va dire, Foulen, il est clair. Donc, cela inclut quoi? Qu'il n'est pas foncé. Il n'est pas foncé. Donc, c'est un attribut que tu as. L'homme, il vole pas. Parmi les attributs de l'homme, qui ne vole pas. Parmi les attributs de l'oiseau, qu'il vole. Les deux sont attributs. Il y en a un, il le fait, l'autre, il ne le fait pas. C'est un attribut quand même. Ne de pas croire qu'une chose, comme tu ne l'as pas, tu n'as pas l'attribut, non. Ton attribut, c'est quoi? C'est que tu n'as pas telle chose. Le fait de dire attribut de Nafi. Si fait, Nafi. T'avais déjà compris ça comme ça auparavant? Tayeb, khalas, t'es pas compris, bah, alhamdoulilah, tu l'as compris maintenant, alors. Donc, Allah, quand il te dit, Mathalen, qu'il ne dort pas, c'est un attribut qu'il a. Mais c'est un attribut quoi? Sifat Nafi. Qui s'est attribué, Tayeb, tel attribut, qu'il ne fait pas telle chose. Son attribut, c'est de ne pas faire telle chose. Tayeb, ta'ala. Quand des fois, c'est vrai, on fait pas attention qu'on parle Nafi, parce qu'en arabe, c'est Wadir. En français, ce n'est pas forcément qu'on dit Sifat Nafi. La personne, elle pense que c'est une chose qui est mauvaise. Mais, elle se dit, elle n'arrive pas à concevoir qu'en fait, le fait de ne pas avoir cela est un attribut en soi, en fait. Beaucoup ont fait, même dans le DES au début, je ne l'ai peut-être pas précisé, tu vois. Il y en a, par exemple, ils ont traduit cela, sifat négative. Ah là, il n'y a pas de sifat négative. C'est quoi le sens? Qu'il s'est attribué le fait de ne pas faire telle chose. Donc, quand quelqu'un il traduit mal, ça peut induire les gens en erreur. À la bilachek. Tu vois, ça c'est un truc sur lequel j'étais inattentif. C'est un tambih qu'on aurait dû dire au début du kitab. La kimsel, on l'a dit là maintenant. Et celui qui a suivi le dirs avec nous, qui met ça dans sa tête. Et sur son téléphone, il avait déjà compris ça, tu vois. Alhamdulillah. Et toi, peut-être qu'ils l'ont pas compris. Qui se met ça dans les bases. Que le fait de dire qu'il n'a pas telle chose, c'est un attribut. C'est un attribut. Donc ça, elle est fin. Donc après, qu'on ait pris que parmi toutes ces fêtes de défauts, quand même, ça, une chose qu'on le renie. Directement. Ce qui amène à un ox dans son camel, on le renie. Directement. Ça, c'est les choses, tu peux dire, ah là, il n'a pas ça. D'accord? Il n'a pas ça. Troisième point. Oma selatuhu il makhlouqin. Comme on l'a dit, le fait de la similitude avec sa créature. Et de ressembler à sa créature. Parmi les adillas de cela, lillahil mathul a'la. Il a déjà pris l'adillah. Que Allah n'a pas de défaut. Parmi les adillas qui enlèvent tout nox, wa laqad khalaqna as-samawati wal-ard wa ma baynahuma fi sittati ayyam, wa ma massana min lughub. Nous avons créé les sept cieux et la terre, ce qui est entre les deux en six jours, sans avoir été atteint de fatigue. Et parmi les adillas du troisième qui ne ressemble à rien, à sa créature, l'aya, leïsa kamisli ishei. Donc après, il explique le shir, وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصَحَ الْإِعْتِمَادِ فِي الظَّابِتَ النَّفِي عَلَى مُجَرَدْ نَفِي التَّشْبِيحِ وَلِذَلِكَ بِوَجْهِينَ. Donc après, il n'est pas valide, il n'est pas possible de se baser sur le dhabt qu'on vient de prendre là, du nafi, du simple fait de refuser la ressemblance. Et cela par deux points, tu vas comprendre. Tana, qu'est-ce qu'ils veulent faire par là? Ils veulent, pour le nafi, tashabuh al-mutlaq. Tashabuh al-mutlaq. C'est-à-dire, ils veulent, tashabuh al-mutlaq, c'est-à-dire c'est la ressemblance absolue, totale. On dira comme ça. Donc là, on dira, le fait de renier ce tashabuh, c'est du roulou. Entre Allah et sa création. Ça, c'est du roulou. Pourquoi? Car à la base, personne n'a jamais dit que Allah s'en ressemble à sa création, ni coule wedge. Personne n'a dit cela. Même les chrétiens n'ont pas dit que, même s'ils ont fait ressembler Allah à la création, ils ne l'ont pas fait ressembler dans tous les points de vue. Il y a des différences entre les deux. Mais ils ont attribué à Allah des attributs de la créature. D'accord? Ça veut pas dire qu'ils ont dit que Allah, il est comme l'homme 100%. Ils ont pas dit ça non plus. Il y a des choses que Allah, il fait, qu'ils savent que l'homme ne peut pas faire. Des choses que l'homme, il fait, que Allah ne fera pas. Ça, ils le savent. Mais ils ont fait un tashbih sur beaucoup de points. Dans les sifat. Donc, personne n'est arrivé, n'a dit que Allah ressemble à sa créature, min kul waj, Adama et Ojed. Donc, quelqu'un qui vient faire ce nefi-là, on va dire, c'est du roulou. Personne n'a dit cela à la base. Donc, pas la peine d'aller aussi loin. Donc, il n'y a pas de faïda. Wa inna rada bin nafi mutlaq at-tashabuh ay nafi tashabuh min ba'd al-wujuh fa hadha an-nafi la yasah iz ma min shay'in illa wa ma baynahuma qad mushtarak yashtadikan fihi. Et maintenant, si maintenant il a voulu parler nafi mutlaq at-tashabuh, c'est-à-dire la base de la similitude où il y a aucun lien, on va dire plutôt en français, c'est il y a aucun lien, on va dire ça également, c'est pas possible. Qu'il y a forcément un lien mouchtarak. Il y a un cadre mouchtarak qui existe. Il y a un cadre mouchtarak qui existe. Ne serait-ce que le terme. Par contre, lorsque tu vas avoir un cadre mouchtarak entre deux choses, ça veut dire qu'en fait, ils auront un osle commun, mais certains vont se distinguer de choses par rapport à d'autres. Ils auront un osle qui sera commun, mais telle chose avec tel attribut aura des spécificités, et l'autre en aura d'autres. Et un tel, parmi les deux, aura des choses qui ne pourront être attribuées à l'autre, sans pour autant renier qu'il y a une base commune. Même Ta'ada, il y a une base commune. Donc on ne peut non plus dire qu'il n'y a aucun lien. Car s'il n'y aurait aucun lien, ben, il n'y aurait pas de faïda à donner un terme qui a un sens qui est connu par nous. Un exemple, je donne un exemple dans la créature. Un poisson et un oiseau marin. Mathalan, une mouette, un pélican, les oiseaux qui pêchent les poissons. Ils ont encore de mouchtelik dans quoi? L'eau. Le poisson vit dans l'eau. Et ce poisson, l'oiseau qui pêche le poisson est obligé d'avoir une partie de son corps qui va dans l'eau. Donc il y a un cadre mouchtalek. Mais est-ce que l'oiseau peut vivre dans l'eau comme le poisson? Non, il ne peut pas. Tout comme le poisson sera obligé d'être sorti de l'eau pour que l'oiseau puisse se manger. Donc il y a un cadre mouchtalek. Mais est-ce que le poisson vit hors de l'eau? Non. Si le poisson reste hors de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il meurt. Si l'oiseau reste dans l'eau longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Et pourtant, tous les deux, ils ont un lien à ce moment-là, entre le contact avec l'eau et le contact avec l'air. Mais ils se disent que l'un et l'autre, que l'un peut faire longtemps, l'autre pas longtemps, ainsi de suite. Il y a un osl. On parle entre les créatures. Il y a un osl mouchtalak. Il y a un osl mouchtalak. Et pourtant, l'oiseau, il vit dans l'air. Et le poisson, il vit dans l'eau. Malgré cela, on a trouvé un code mouchtalak entre les deux. Donc maintenant, l'exemple qu'il donne, lui, il dit le haya, la vie. Allah subhanahu wa ta'ala, min sifatihi, al haya. ومن صفات الإنسان الحياة كذلك يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت donc pour toi c'est celui qui est vivant qui ne meurt pas Al-Furqan verset 58 et il dit à propos de l'être humain de la créature يخرجوا الحي من الميت ويخرجوا الميت من الحي il sort le vivant du mort et il sort le mort du vivant Surat Al-Rum verset 19 donc là il y a un code le mouchtalik entre les deux qui est le os de la vie cependant la vie de Allah subhanahu wa ta'ala à des khasa'is qui ne sont pas présentes chez celle de l'homme ou de la créature. Et la vie de la créature a des khasa'is qui ne sont pas présentes chez fi haqqillahi azza wa jalla. Qu'est-ce qu'un ox? La vie de Allah, elle n'a pas de précédent, elle n'a pas de fin. Elle est sans précédent, elle n'a pas de fin. Celle de l'homme, elle a un début. D'accord? Après, en ce bas monde, elle s'arrête. Mais dans l'au-delà, elle continue et elle n'aura pas de fin également. Donc, il y a un os commun. Mais est-ce que ce sont les mêmes? Ce ne sont pas les mêmes. Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a aucun rapport entre les deux vies? Il n'y a aucun lien? On dit qu'il n'y a pas. Il y a la base de la vie, elle est présente. Maintenant, chacun a ses spécificités qui lui sont propres, qui peuvent être attribuées à l'autre. Femme ta'ala. Je sais que ça peut être paraître, même il est, même aller à Shushkil, tu vois, mais je vais comprendre comme Kamadjahouna. Donc, c'est pareil pour toutes les sifates dont le terme, il est commun avec la créature. C'est le même qu'est-ce que tu vas faire. qu'il y a un os le mouchtarak aslan. Il y a une base qui est commune. On ne peut pas dire qu'il n'y a aucun lien entre les deux. Donc celui qui dit cela aussi, il aura eu tort. D'accord ? Il aura eu tort. Mais l'erreur, je reprends, l'erreur dans ce bab-là, c'est d'attribuer à l'un ce qui est propre à l'autre. C'est ça qui est l'erreur. On attribue la base commune, il n'y a pas de marveau. Tu dis, Allah il vit, moi je vis. D'accord ? Mais Allah subhanahu wa ta'ala a une vie qui lui est propre, qui a des spécificités qui ne peuvent m'être attribuées. Et moi, ma vie, kazalik, des spécificités qui me sont propres à moi et qui ne peuvent être attribuées à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça sera mis à quoi ? Un ox dans ce sifat. T'as compris cela ? Taïb. Donc celui qui aura fait un nafi du mutlaq et tashabuh, de la base commune, il aura fait quoi le ta'til ? Car s'il refuse la base de la chose, mathalan, al-wujud, la présence, Allah mawjoud, et la créature mawjouda, il refuse le mutlaq at-tashabuh. On va dire, bah, tu refuses Allah l'existence. Non. Donc c'est-à-dire qu'Allah pour toi il est inexistant, Allah. Tu refuses de dire qu'Allah est existant, donc il sera inexistant. Donc non seulement tu auras fait un ta'til de la sifat d'Allah, et en plus tu auras fait ressembler une chose qui n'existe pas. Car comme on expliquait, il n'y a pas une chose sans qu'elle ait des sifat. Et une chose qui est inexistante, ben, on revient au début, parmi ces sifat, c'est quoi ? Qu'elle est inexistante. Une sifat, c'est quoi ? Elle est Adam. C'est une sifat. Adam. Tu auras fait ressembler, pire que se faire ressembler à la créature, tu auras fait ressembler à Allah une chose qui n'existe même pas. Donc c'est pire encore ce que tu auras fait. Donc là, c'était à peu près ça, la règle. D'accord ? Dans le Nefi ou l'Isbet. Tu peux faire un Nefi min al-Tashabuh al-Mutlaq ni faire Nefi Mutlaq al-Tashabuh. Tashabuh et Mutlaq, c'est la ressemblance totale. Quelqu'un a dit qu'il fait un affi de soleil, il en fait du rouleau. Car personne n'a dit le contraire. Que Allah ressemble totalement à sa créature. Tous les points de vue. Personne n'a dit cela, donc ton affi ne sert à rien. C'est du rouleau. Quand même, tu es parti trop loin. Et après, un affi, mutlaq et tashabur, c'est la base du tashabur. Ça va amener à quoi ? À un tartil. Car il y a une origine commune. Allah, il est parfait dans ses sifats. C'est sifat qu'il a, Thubutiya, c'est pour montrer le kamel. Et les sifat menfiya, c'est pourquoi ? Pour isbat kamel musbata. C'est pour affirmer la perfection des sifat qui sont affirmés. Quand Allah te dit, mathalan, qu'il ne dort pas, ça confirme sifat el kuyumiya, qu'il se tient par lui-même, qu'il n'a besoin de personne. Donc après, tu as des gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre la règle qu'on a pris. Allah subhanahu wa ta'ala a des sifat qui ont un os le mouchtarik avec nous, mais qui ne sont pas comme les nôtres. Il y en a qui vont dire, ben, nous, on prend cette règle-là et on dit pareil, que Allah, il a le bouquet, son bouquet n'est pas comme le nôtre. Que Allah, il a une tristesse, mais elle n'est pas comme la nôtre. Que Allah, il a une maladie, elle n'est pas comme la nôtre. Ils m'ont dit, ah non, on dit comme vous. D'accord ? Est-ce que vous avez dit dans le sifat-là, on prend celle-ci, ou le ma'anir, qu'on affirme ce sifat-là en disant qu'elles ne sont pas comme le nôtre ? Et où le ma'anir ? C'est les sifats qui s'opposent aux autres cités auparavant. Vraiment ? C'est ce sifat-là, affirmer cela. Nous, quand on affirme les choses en disant que Allah, Pantala, Masalen, il voit, il ne voit pas comme nous, on voit. Ça s'oppose à quoi, ça? Ça apporte un ox? Au contraire. On va dire quelqu'un qui ne voit pas là-bas, ça le nox. Et ça le nox. Femme? Taïb. Donc, on va dire maintenant, vous dites que Allah, il peut être triste, mais une tristesse qui n'est pas comme la nôtre. Ça mène à quoi, un ox? Donc, cette fête-là, même si elle n'est pas comme l'autre, vous ne pouvez pas l'affirmer. Belle, elle est reliée depuis le début, cette fête-là. Non. Après, il y a d'autres sifats. Comme on l'expliquait, on n'a pas à discuter. Si on a un texte, Des fois, par exemple, on a une sifat, dans son apparence, dans notre raison, elle s'oppose aux règles qu'on a apprises. On dit, on a un texte, il est authentique, on s'arrête là. La salène, le fait que Allah, il descend, ça m'aide dounia. Ça veut dire quoi dans ta tête? Que Allah, il regarde dans les cieux. Il regarde dans sa création. C'est ça qui t'apparaît en premier. Ça, tu te dis, Allah, il a dit qu'il descend. Il descend, qu'il lui revient. Je m'arrête là et j'y crois. Je cherche pas le comment. Tu t'arrêtes au texte. Et tu dis, si Allah, il l'a dit, c'est vrai. Le Nabi, il l'a dit. Le hadith, il est authentique. Voilà. On débat pas. Et je cherche pas un comment. Et que je sais qu'Allah n'est pas dans sa création. Quelqu'un va dire, bah, comment alors? Je t'explique ce que je n'arrive pas à concevoir, moi. Je ne pourrais pas. J'ai pris les textes en apparent. C'est tout. Tout comme les choses que là, dans le, par exemple, des fois, ça t'arrive de méditer sur quelle, lorsqu'on te dit, après la mort, tu vas vivre éternellement. Soit fi jenna, soit fi nar. Est-ce que tu arrives à le concevoir? Des fois, tu te dis, éternellement, sans fin. Tu te dis, j'arrive pas à concevoir ça. Est-ce que tu crois? Non, خلاص, arrête-toi là. Comme a dit le hadith, أن يأتي أحدكم الشيطان فيقول الله خلق كذا الله خلق كذا الله خلق كذا فمن خلق الله فمن خلق الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن وجد فمن بلغ ذلك فليستعذ بالله وينتهي que Shaitan vient auprès de l'un d'entre vous et dit que Allah a créé telle chose, Allah a créé telle chose, Allah a créé telle chose, Allah a créé telle chose. Et après, à la fin, qui a créé Allah? La choubou est à la fin. Donc, Nabi Sam l'a dit, si celui d'entre vous est atteint par cette association qui recherche de l'aide auprès d'Allah, il s'arrête tout de suite. Il s'arrête. Pourquoi? Car le tafkir, réfléchir, ça t'amène à des catastrophes. Donc, arrête-toi, à une limite. Tu dis, j'y crois, je m'arrête là. Et ça, c'est tamam al-ubudiyya wa al-khudu' amam rabbik al-tawadu. Tu te restes à ta limite. Tu réalises que tu es une petite créature, que tu as des raisons à les limiter, d'accord? Et que là, tu comprends le terme qu'on dit souvent, Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça veut dire quoi, Akbar? Tu ne réalises pas ça veut dire quoi, Akbar. Tu as compris le mot, mais la réalité, tu ne peux pas la concevoir. Allahu Akbar. Donc, arrête-toi là. Hada. Donc là même, moi, je m'excuse voilà, pour ce bébé-là, c'était pas vraiment... C'était difficile assez faire comprendre. Donc le rouleau à ça du dernier call qu'on a pris, c'est le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'on fait une isbet d'un sifat de camel, cela inclut quoi? Un nafi de son opposé. Comme qu'Allah azza wa jal, wa lillahi al-mathalu a'la. Wa huwa al-'aziz al-hakim. Donc le fait d'affirmer mujarad al-isbat ma yakfi. Le simple fait d'affirmer et sans faire de tashbih, il dit moi j'affirme sans faire de tashbih, ça ne suffit pas. Pourquoi? Car ton affirmation sans tashbih, fahimta hadha? Déjà il dit moi j'affirme la chose, je n'ai pas de tashbih. On dit ça ne suffit pas kazalik. Car ton isbat peut amener à quoi? À un ox dans un camel de ce sifat. Tu ne l'as pas fait ressembler à la création? Mais la sifat, tu l'auras réduit de sa valeur. Et Adama et Adjouz. Fahim ta'ala? Adam. Tout comme Mujarrad, Nafi, Tashabbouh, le simple fait de renier la ressemblance n'inclut pas quoi? Isbat, Kamel et le sifat. Ça, c'est le khulasa du bab, à peu près. Ça ne suffit pas. Quand tu fais un isbat, du Nafi Tajbih, et également Isbat et Kamel, le sifat. Donc tu renies tous les défauts, toute imperfection et toute réduction. Et le contraire kazalik. Quand tu fais un Nafi d'un attribut, que Allah s'est refusé lui-même, c'est pas seulement pour le fait de ne pas le faire ressembler à la création, mais également pour affirmer la perfection de son opposé. Aza. Fa ila huna. والحمد لله رب العالمين